d'excentricité. Sur le campus, à Trois-Rivières, c'est le 89.1. Le plan d'aujourd'hui, assemblage requis. Alexandre Carignan nous présentera les musiques qui l'inspirent dans sa boîte à musique. Et David Ferron sera là pour le meilleur et pour le pire avec une note salée. Assemblage requis commence maintenant. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bonjour et bienvenue à l'Assemblage requis, l'émission matinale en pièces détachées. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. On t'en dirait des studios de C'est fou à Trois-Rivières en ce lundi 1er décembre 2014. J'ai trouvé ce que ça sentait. Oui, c'est ma mousse de micro qui était avec ton thé à la menthe. Et ma mousse de micro sent le thé à la menthe. C'est délicieux. Ah ouais, toi qui aimes tant ça. C'était jeudi à une grosse pointe en dresse. Mais oui, pourquoi tu dis ça avec... T'avais pas le thé à la menthe, t'as dit ça jeudi. La tisane à la menthe, mais ça sent juste la menthe. Là. Donc c'est correct dans ce cas-ci. Mais non, je veux dire, on avait une grille de dégustation de thé. Et puis les poches se sont restées dans mon petit panier. Ouais. Et ça sent vraiment fort. Ça sent jusqu'ici, pour vrai. On pourrait refaire une deuxième chronique. On pourrait le réessayer. On pourrait faire ça genre un deuxième essai. Pour confirmer. Juste pour être sûr. Ben oui. Ça. On pourrait faire ça tous les matins aussi, cette chronique-là. Pourquoi pas? Toute la même chose pendant la semaine. Une grosse pointe d'adresse, elle est mardi. Habituellement, on fait ça demain. Mais parlons de l'émission d'aujourd'hui à la place. Ah ben, ça pourrait être une bonne idée. Arrêtons de vivre dans le futur. Vivons dans le moment présent. Aujourd'hui, à 8h, Alexandra Carignan va être là pour sa chronique La boîte à musique. Elle nous fait découvrir un nouveau soit un nouveau groupe qu'on connaît pas, quelque chose de différent. C'est fou qu'on n'a pas l'habitude de faire jouer. Mm-hmm. Donc ça, c'est à 8h. À 8h30, ce sera David Ferron. Il est notre salé. Lui, c'est de la musique du monde, un peu plus. On va à l'international, voir ce qui se passe ailleurs qu'ici. Mm-hmm. On va aussi faire le bloc pub à 9h. Ça, c'est la chronique marketing. Mais on va débuter avec C'est un fait dans quelques instants. Mm-hmm. Uh-huh. Encore. Et là, vous allez me trouver redondant, mais c'est probablement la dernière ou avant-dernière. Je dirais pas mal plus l'avant-dernière fois qu'on va faire un bloc sur les animaux dans C'est un fait. Ah, ben non, mais c'est tout le temps intéressant. Ouais. Ben oui. On va débuter avec un groupe qui porte bien son nom parce que tout le temps, il y a tout le temps une saison qui est en cours. Il y a tout le temps de saison. OK. Donc, c'est The Seasons. The way it goes. C'est tout le temps approprié, ça. 4 saisons. Oui. C'est comme TQS. Tout le temps approprié. Of my own, I'm not being into. The Seasons and the Way It Goes à Assemblage Requis. Maintenant, c'est le moment, comme on le fait tous les lundis matin, d'apprendre un petit peu. On est dans une université, on doit apprendre des choses. Même si on est à la radio, on s'en sort pas. Mais non. Les gens sont là et veulent relaxer. Ils sont comme, arrête avec ton mais information, non, j'ai pas le temps d'écouter ça, je suis pressé. C'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. Ouh. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. C'est un fait, c'est la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables selon Internet, bien sûr. Mais moi, je l'ai pas. Mais tu l'as pas. Mais ben je peux non, rien mais quand. Je suis obligé de te faire confiance. Ben, je me fais confiance et je fais confiance aux sources sur assemblagerequis.com. Donc, encore une fois, c'est un spécial animaux cette semaine. Mm-hmm. Mm-hmm. Et on va parler pour commencer d'un certain loup. Un certain loup, en fait, qu'on appelle le loup à crinière. Connais-tu le loup à crinière? Je pensais que tu allais me parler du loup du campus. Non, ben non, ça c'est le jeudi, ça mélange pas les affaires. Donc, le loup à crinière, c'est le Maine Wolf, c'est son nom en anglais. Donc, c'est quoi l'affaire? Il y a un zoo où il y a eu une grosse perquisition, en tout cas, une descente presque. Une perquisition d'animaux? Non, on pensait qu'il y avait de la drogue. C'était au zoo de Rotterdam. Oh, OK. Mais pourquoi? Est-ce que ça a rapport avec les animaux, me demanderas-tu? C'est un zoo. Bah oui, c'est sûr que oui. La drogue là-dedans, la drogue! C'est les animaux qui se droguaient! Pas en tout, non, c'est que l'urine de ce loup à crinière a une odeur très distincte. Okay. Donc, qu'une certaine plante verte que plusieurs gens aiment fumer, on pourrait dire le pot. Donc, le loup à crinière, c'est un loup en Amérique du Sud qui ressemble à un renard avec de très, très longues pattes et une fourrure rouge-rousse, si on veut. Ben là, c'est un renard. Ça ressemble à un renard, mais ça fait partie d'une autre famille complètement. Ah. Présentement, cette espèce-là est menacée. On les trouve souvent dans le gazon, dans les buissons du Brésil. Malheureusement, son surnom est basé sur son odeur, c'est le loup moufette. Skunk Wolf. Et donc, sa fourrure n'est pas la seule chose qui sent pas bon. Hein? Donc, ça sent son urine sent le cannabis ou le houblon. Un mélange. Non, mais les deux. Donc, ça vient probablement de la pyrazine dans l'urine qu'on retrouve dans les deux plantes, donc le cannabis et le houblon. Ah. Donc, l'odeur a fait que la police est arrivée avec ses chiens anti-drogue dans le zoo de Rotterdam pour chercher des fumeurs de potes. Mais là, pour retrouver l'habitat de ce renard. Ben, pas ce faux renard, ça. Mais je comprends pas comment ils ont fait pour arriver jusque-là. Je veux dire, soit ils sont passés vraiment proches avec leur chien, ou ouais. Il y a peut-être des clients qui ont fait « Oh, ça sent le pot ici! Ouais. » C'est clair qu'il y a du pot. Je veux dire, qui se dit ça dans la vie d'un zoo? « Hey, ça sent le pot, c'est clair qu'il se passe des affaires louches ici! » Mais bon, donc c'est le loup à crinière. Allez voir des petites photos de lui là, avec ses longues pattes, là, c'est cute. Tu sais, moi, ça sent la menthe, puis j'étais pas accusé de faire pousser de la menthe en cachette. C'est vrai, ça. Je ne peux pas traiter de vieille personne avec mes peppermans non plus. Rien de non, tout mais ça. C'est bon, ça, des peppermans. C'est, j'ai pas la texture des peppermans, genre super rigueuse. Ah, comme sablonneuse, ouais, là. Ça. Ah, ouais. La panthère majestueuse hein, qui poursuit ses proies dans les jeux les plus profondes avec sa fourrure noire et sa peau qui se mélange avec son c'est environnement. C'est pas rose, une panthère? La panthère majestueuse noire, qu'on appelle la panthère noire. Donc, la fourrure noire ou sombre de cet animal-là n'a pas évolué de génération en génération. En fait, c'est un désordre qu'on appelle le mélanisme, qui fait que sa peau est noire à la panthère noire. Un peu comme la peau d'un animal albinos serait complètement blanche. Ah. Mm-hmm. Donc, la panthère noire, qui n'est pas une espèce séparée des autres panthères du tout, en fait, c'est la même espèce. En fait, sur différents continents, ça va être la même espèce, mais on va les nommer de façon différente. Par exemple, on va l'appeler jaguar dans les Amériques et léopard en Asie et en Afrique. C'est la même bête. Je sais pas mon nom. Ben, j'avais déjà entendu justement que c'est comme semi la même chose. C'est que je comprenais pas la différence, mais là, je suis contente que tu m'éclaires ce matin avec ça. Ça m'éclaire aussi. Ça m'éclaire par rapport aux versions de macOS 10 qui, des fois, s'appelle. Il y en avait une qui était Jaguar, l'autre qui était Léopard, il me semble qu'il y en avait deux. Et c'est la même chose. La même version. Mais il me semble, en tout cas, je suis pas sûr qu'il y en a peut-être un des deux qui a pas été utilisé. Mais bon. Donc, le mélanisme qui, en fait, donne à la panthère noire un avantage assez évident pour chasser la nuit. Donc, et ça a fait que l'espèce a pu continuer dans son habitat naturel. Ils sont donc de meilleurs prédateurs. Ils sont meilleurs à la défense et leur survivabilité, si on veut, leur raison de leurs chances de survie sont plus élevées que les autres qui ont la peau plus pâle. Ce désordre-là peut être hérité. Donc, le gène dominant peut être passé de génération en génération. On les trouve aussi dans d'autres animaux, ces gènes-là. Donc, l'écureuil, d'autres félins et les serpents peuvent avoir aussi mélanisme. Ouais. Dans certaines parties du monde, Steph, des fourmis sont utilisées comme point de suture. Hein? En Afrique et en Amérique du Sud, de grandes fourmis soldats, les Army Ants en anglais, sont utilisées comme point de suture donc lors de chirurgie. La plaie est refermée à la main. Dans le fond, on tire les deux côtés ensemble et les fourmis vont s'attraper vont s'accrocher en fait sur les deux côtés. Et ensuite, on va couper la tête du reste de la fourmi et ça va rester attaché. Non, c'est la tête qui reste attachée, oui. La tête reste attachée à la plaie comme suture jusqu'à ce que la plaie finisse par guérir. Voilà. Mais ça, c'est fascinant. Il y a une photo sur assemblagerequis.com. Donc, c'est la tête qu'on laisse là. Parce que je sais que ça prend les mandibules et ça va comme s'attacher des deux côtés. Mm-hmm. Ensuite, on laisse la tête. En tout cas, c'est ce que j'en comprends par l'article. Ensuite, on a tous entendu le cri du faucon super patriotique dans les films et à la télé. Mais c'est ça. Et dans la vraie vie, non? Pour certains? Pour certains, certainement. Mais ce cri-là n'est pas de l'oiseau mascotte des États-Unis. Non, en fait, c'est un autre oiseau. C'est plutôt la buse à queue rousse. Red-tailed hawk qui fait ce son précis-là. Connie Stranger, expert en oiseaux avec le World Center for Birds. Je pensais que tu allais dire en noisette. En noisette? Non, malheureusement. Ça serait pas été pertinent. Peut-être les deux. Donc, au World Center for Birds of Prey à Boise, en Idaho, dit que Hollywood est à blâmer pour ce mélange-là, cette confusion. L'aigle chauve, son cri est beaucoup plus subtil et faible. C'est très, très... c'est comme assez silencieux. Ça ressemble plus au cri d'un bébé cochonnet. Donc, le bruit... Décevant. Ouais, c'est décevant. Ben, je peux comprendre qu'il ait pris le cri de la buse. La belle petite buse. Il y a une créature, en fait, qu'on pensait être un seul animal, mais qui en est plusieurs. Est-ce que tu connais ce qu'on appelle en français la galère portugaise, la physalie ou la vessie de mer? Non. En anglais, on appelle ça Portuguese Man-O-War. Donc, son nom propre, Physalia physalis, qui a l'air d'être une méduse, mais en fait, est un siphonophore, voulant dire que c'est pas une seule créature, mais plusieurs créatures qui vivent ensemble. Chaque créature individuellement nommée un zoïde, Z-O-O-I-D en anglais, en tout cas, en français. C'est un robot. Un robot. Donc, qui est spécialisé pour faire survivre l'entièreté, c'est ça, de l'organisme au complet, et est incapable de survivre, donc, indépendamment l'un de l'autre. L'animal va vivre souvent près de la surface de l'océan Pacifique et de l'océan Indien, et va bouger grâce au pouvoir, à la force du vent, du courant et tout ça, parce que c'est incapable de se propulser lui-même ou elle-même, la bête. Donc, le Manowar, qui est composé de 4 types différents de polypes. Un, donc, va composer la vessie. Il va permettre à la créature de flotter. Les 3 autres sont en groupe, ensemble, en paquet, et ça va créer ce qu'on appelle les tentacules, qui peuvent se rendre jusqu'à 50 mètres de longueur ou 165 pieds, dépendant de comment vous regardez les choses. Ces tentacules-là qui sont responsables pour attraper les poissons et d'autres créatures marines, ça pique avec un venin jusqu'à ce qu'elle meure. C'est bien ça. Donc, une fois que le Manowar a tué sa proie, ça va tirer sur le corps jusque dans ses polypes digestives. Et ça va défaire l'animal et digérer ça pour ramasser tout ce qui est nutritif là-dedans, tous les nutriments. C'est donc bien fascinant. Ouais, et donc en français, si vous voulez chercher un petit peu, c'est la galère portugaise, la physalie ou la vessie de mer. Je pense que c'est celui le plus facile à retenir, vessie de mer. Et ben. Ensuite, les ours sont des créatures extraordinaires, mais saviez-vous qu'ils étaient aussi leurs propres gynécologues? Ouais. Donc, les ours noirs qui ont plusieurs traits particuliers, donc physiques et biologiques, ils sont gros, ils sont assez puissants, mais les ours noirs sont aussi d'excellents grimpeurs avec des dents qui sont adaptées pour manger des plantes et des animaux. Donc, même s'ils ont l'air impressionnants vu de l'extérieur, côté reproduction et donc de l'intérieur, c'est quand même aussi impressionnant. Le succès de reproduction des ours est relié à l'abondance de nourriture l'automne. La saison de la reproduction chez ces ours-là est entre le mois de juin et le mois de juillet. La femelle de l'ours noir va se reproduire à l'âge de 4,5 ans. Donc, et puis, ils vont pouvoir se reproduire à chaque 2 ans et vont produire entre 2 et 4 petits oursons, parfois, qui vont accoucher. Les petits oursons qui pèsent moins d'une livre à la naissance et qui vont se développer pendant qu'ils vont téter leur maman. Hein? Donc, l'adaptation de ces créatures, de ces ours, s'appelle en anglais « delayed implantation », donc on pourrait dire l'implantation à délai, dans le sens que l'adulte va avoir un œuf fertilisé à l'intérieur d'elle-même pendant plusieurs mois et ça va attendre de développer par rapport à la période de l'année. Donc, dans le fond, la femelle de l'ours noir peut attendre et choisir quand donner naissance à ses enfants. Ça, c'est bizarre. S'il manque de nourriture et que la mère n'a pas accumulé assez de gras, lorsqu'elle arrive pour hiberner, l'œuf va simplement s'avorter lui-même. Ah. Ouais. Certains scientifiques croient que c'est une réponse au contrôle de la population, si on veut, les ours. Selon l'information qu'on a, les ours peuvent annuler le processus de la grossesse avant que le fœtus se soit formé. Donc, empêchant, si on veut, une naissance difficile et un manque de nourriture. Wow. C'est chez l'ours noir. Pas pire, hein? Ouais. C'est fort. Les chats qui étaient utilisés comme bouclier par les Perses. C'est un petit peu plus compliqué à lire celui-là, on va s'essayer. Donc, pendant la bataille de Pelusium en 522 avant J.C. Lauzon, Cambyses II, le roi de. Est-ce qu'on dit de Perse? Oui, c'est ça, le roi de Perse. Utilisait les chats contre les Égyptiens. Il savait que les Égyptiens traitaient les chats comme quelque chose de vraiment très important. Mm-hmm. C'est très important pour eux. Donc, à plusieurs occasions, lui et ses soldats utilisaient des chats comme boucliers, sachant que les Égyptiens avaient trop... C'est juste dur à lire à cause du mot égyptien, finalement. Auraient trop peur de se battre contre eux et en peur de blesser les chats qui étaient super importants. Ben voyons donc! Ouais. D'autres tactiques, entre autres, c'était de libérer les chats et les laisser partir sur le champ de bataille et créer un chaos dans les armées égyptiennes. Parce que les Égyptiens voulaient flatter les chats. Ils s'arrêtaient pas de flatter les chats. Donc, c'était contre la loi égyptienne de tuer ou de blesser des chats. Et à plusieurs occasions, par peur de leur faire mal, les Égyptiens se rendaient complètement. C'est vraiment chien. C'est pas très gentil. Non, c'est chat, excuse. C'est chat, excuse. Ben oui, chien, chat, franchement. Entre chien et loup, là. Hein? Mais mon cœur balance. Ouais, oui. Ouais. Les coquerelles font des décisions, prennent des décisions en groupe. Donc, les humains ne sont pas les seuls organismes qui communiquent ensemble. En fait, il y a plusieurs espèces d'animaux qui le font. Un de ces organismes-là, c'est la coquerelle, qui utilise un système de communication chimique et tactile pour s'organiser. Ils peuvent utiliser... T'es peu, là. T'as rien à me dire qu'il y a une certaine intelligence là-dedans. Une certaine. C'est une coquerelle, là. Mais... On ne sait pas, c'est pas parce qu'ils ne parlent pas. Peuvent-tu faire des plans comme pour t'attaquer là, dans moi, ton appartement? Moi, ça, personnellement. Non, pas toi personnellement, okay. Mais je veux dire comme toi en général. Je sais pas, là, tu veux aussi savoir si les souris peuvent faire ça parce que c'est une souris chez vous? Ah, je sais pas, si t'avais une coquerelle. Non, les souris, je savais que c'était intelligent, là, mais les coquerelles, non. Ah, mais apparemment que oui, parce qu'ils peuvent utiliser leur vision pour communiquer, selon le scientifique du département de l'écologie sociale. Ah, ils ont des rayons laser dans les yeux. C'est pas des super coquerelles, c'est juste des coquerelles. Attends, okay. Ils vont pas à travers les murs non plus. Lorsqu'ils se rencontrent les unes les autres, ils peuvent se reconnaître s'ils sont dans la même colonie grâce à leurs antennes. Donc, ils ont des organes olfactifs, sophistiqués, très, très sensibles. Donc, une communication quand même assez intelligente. Lorsqu'on a testé comment est-ce qu'ils communiquaient, on a appris que les coquerelles vont se diviser parfaitement après s'être consultées. Donc, par exemple, si 50 insectes sont placés à un endroit avec 3 maisons chacune avec la capacité de 40 insectes. C'est pas des insectes, hein? C'est des insectes. Est-ce qu'on peut dire insectes? Ben oui. Moi, c'est ça. Des fois, avec le nombre de pattes, là, tout ça. Ben, il y en a 6, mais il y en a 6, ouais. Donc, 25 coquerelles vont se mettre ensemble dans la première maison, 25 dans la deuxième, et la troisième va être laissée vide. Les chercheurs ont essayé de changer le principe pour avoir 3 toits avec une capacité de plus de 50 insectes. Toutes les coquerelles sont allées dans la première maison. Donc, ils sont capables de comprendre les dimensions et de se diviser correctement. C'est quelque chose. Ouais, c'était peurant, en fait. Ah, et on reste chez les criquets. Non, on va chez les criquets. En fait, les coquerelles et les criquets, pas la même chose. Là. C'est pas parce qu'il y a des syllabes similaires que ça va faire. Donc, si on cherche une façon d'impressionner ses amis avec un calcul unique ou abstrait, on a besoin peut-être d'estimer la température pour impressionner la galerie. Ça, je le sais. J'ai vu ça à l'insectarium. Ah, cool. Mais je me souviens pas du calcul. Là. Bon, on va essayer d'en parler un petit peu. Mm-hmm. Mettons, on va essayer. Donc, la façon la plus bizarre de savoir quelle température il fait, c'est d'écouter les cris du criquet. Oui, ensuite... Ben, en fait, c'est pas un cri, là. Ben, le bruit. En fait, ce sont leurs pattes qui frottent ensemble, ou leurs ailes. Ouais, c'est ça. Donc, c'est pas, ça vient pas de leur bouche. Donc, on a simplement appliqué une petite formule mathématique. C'est juste que ça fonctionne seulement en Fahrenheit, donc il va falloir faire la conversion nous-mêmes. Donc, les criquets ont une réaction chimique dans leur corps, comme tous les organismes vivants, qui permettent aux muscles de bouger et de se contracter, ce qui crée le bruit dont on a parlé. Étant donné que les criquets sont des insectes à sang froid, ils vont prendre la température de l'environnement autour d'eux, ce qui veut dire que la température va directement affecter la réaction chimique dans leur corps. Ça s'appelle l'équation d'Arrhenius. Donc, si vous attendez une journée avec une température entre 55 et 100 degrés Fahrenheit, vous allez pouvoir trouver le seul, le bruit d'un seul criquet. Vous comptez le nombre de fois qu'il va faire ce bruit-là en dans de 14 secondes, et vous allez ajouter 40. Ça va être la température par rapport à l'équation qui a été imprimée, entre autres, dans l'almanach des fermiers aux États-Unis. Donc, eux ont un almanach de fermiers au lieu d'être avec Céline Dion sa couverture. Eux autres, à la place, c'est un fermier. Ça se le pète. Qu'est-ce que je te dise? Donc, c'est seulement dans les journées entre 55 et 100 degrés Fahrenheit. Ben, en fait, à l'insectarium, il avait donné le calcul là, pour les Celsius. Oui. Je pense que c'était comme moins 13. Je sais pas trop, là. Mais le calcul avait peut-être un petit peu plus difficile, là, parce que j'imagine que ça donnait mieux en Fahrenheit. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et moi, j'ai trouvé ça fascinant. C'était comme une petite conférence sur les criquets. En fait, c'est sur, je pense, comme l'intelligence là, des insectes. Okay. Puis, à chaque fois, c'était immanquable. Il y avait toujours une madame qui demandait « Mais oui, mais comment ils font pour savoir la température, les grillons? » Non. Avez-vous écouté, madame? Ils savent pas. C'est leurs pattes qui bougent selon la température. Ouais, mais comment ils font pour le savoir? Et là, c'est lourd, là. C'est lourd, c'est la lourd. Discussion, là. Ta gueule, genre. On l'appelle en français la loi de Dolbert, qui établit une relation entre la température ambiante et la fréquence à laquelle le grillon stridule. C'est la façon qu'on parle de son bruit, stridule. Elle a été formulée par Amos Dolbert en 1897 dans un article intitulé « The cricket as a thermometer ». Donc, criquet, évidemment, donc grillon, c'est la même chose. La formule est un petit peu trop compliquée pour la dire à la radio, là, mais allez voir l'article qui s'appelle « Loi de Dolbert », D-O-L-B-E-R, sur assemblagerequis.com. C'est bien expliqué, mais quand tu vois des parenthèses avec des lignes horizontales, des chiffres en haut, puis en bas, puis un égal avec un petit... Non, gars, ça va aller. Hein. Ça va aller pour moi. Voilà. Je pense que ça va être tout pour cet effet. Ah! Okay. Oh! Bon. C'est dedans, moi. Ben oui, je m'excuse. David Ferron s'en vient. On va se laisser le temps un petit peu de relaxer avant l'arrivée de David Ferron. Hein? Sinon, ça va être trop. Oui, c'est vrai. On va prendre le temps de respirer. Une chance qu'on n'est pas dans un univers parallèle, un monde parallèle, une autre Terre qui roulerait, qui tournerait en même temps que nous. Parce que peut-être qu'il y a une autre dimension dans laquelle les coquerelles et les grillons sont tous géants. Ah! On écoute Machine géante et l'effet veuve noire. À Assemblage Requis sur C'est fou. Yeah. Machine géante et veuve noire à Assemblage Requis. Il y a eu confusion, hein, tu me l'as fait remarquer et t'as bien raison. C'est Alexandre Carignan qui s'en vient au retour de la pause. Plus tard, David Ferron sera là à 8h30 et à 9h le bloc pub. C'est parfait, ça nous laisse plus de temps pour préparer le moment de l'arrivée de David. C'est Assemblage Requis jusqu'à 9h30, restez là. Fou d'excentricité. 89.1. Assemblage Requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Vous êtes à Assemblage Requis, l'émission matinale en pièces détachées. C'est Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Plante. Oui, merci. Tantôt, je parlais de monde parallèle. C'est drôle. Faudrait qu'on fasse une chronique là-dessus. Hein. Mais je suis retombé dans une vieille série des années 90, Sliders. Okay. Je sais pas si tu connais ça. Ça joue à TV au Québec aussi. Où les gens visitent des univers parallèles. C'est la même Terre, mais où il se passe d'autres affaires. Comme, mettons, je sais pas, genre, tout le monde est malade d'une infection, genre, ou une autre planète, c'est genre, le monde est à l'envers, la lumière rouge, ça veut dire d'avancer, puis la lumière verte veut dire d'arrêter. Tu sais, chaque épisode, ils vont d'univers en univers sur la même planète, c'est la même Terre. C'est vraiment bon. Slider. Ça a l'air bizarre. C'est attends, maudit. Bref, dans quelques instants, Alexandre Carignan et sa chronique La boîte à musique. Mm-hmm. Complètement différent. Ça va être un seul univers musical. Toutes les musiques, qu'une seule seul univers. Non. Ça veut rien dire. Ça veut absolument rien dire. C'est comme le slogan de Rouge FM. Donc, Rich Aquin, voici Four More Years sur C'est fou, 89 ans. Toute la musique, mais littéralement ici, tu sais. Là-bas, c'est comme toutes les musiques, mais du même genre. Je trouve c'est comme toutes les... N'est-ce pas? Ah, c'était Rich Aquin et Four More Years à Assemblage Requis. Steph, on a un petit creux ici, pas pour manger. Oh. Mais un petit creux en attente d'Alexandre Carignan. T'es plate, j'avais faim pour moi. Mais la semaine passée, je t'ai promis quelque chose. C'était, je crois, mercredi. Je t'avais dit qu'on ferait quelque chose. Finalement, on l'a pas fait. Ouais, on va faire quelque chose quand même vague. On va faire quelque chose, en effet. Voici les paroles des autres. Bye. On écoute la chanson thème de Master Steph. C'était la chanson thème de la chronique de Stéphanie Master, Steph. C'est un chef-d'œuvre, ça. C'est un chef-d'œuvre. Dans les paroles des autres, on écoute la chanson thème d'un autre chroniqueur ou quelque chose du genre, Assemblage Rocky. Ça nous arrive. Donc, c'était la chanson Fire by the Ohio Players de 1974. Steph, tu l'avais dit. Hey, 74? Oui, je sais pas pourquoi ils ont repris cette chanson-là spécifiquement pour MasterChef. Ça n'a aucun rapport. Ben, c'est pas MasterChef, c'est Hell's Kitchen. C'est Hell's Kitchen. Ah, c'est oui. Ça. OK, expliquons ça. La raison même de le choix de cette chanson-là, c'est quoi? Là? Ben, c'est pas ben, premièrement, Hell's Kitchen, la chanson, on s'entend, est super bonne. Puis la toune de MasterChef, ça change à chaque année. Okay. Puis je pense que là, cette année, c'était genre Katy Perry. OK. Fait que, tu sais, il n'y a comme pas vraiment de toune spécifique. Fait que, de toute façon, ça te tentait-tu d'écouter du Katy Perry? Pas tant, pas tant. Mais c'est un bon est-ce choix. Est-ce que j'aurais eu le droit de mettre du Katy Perry, c'est non, ça? Non. J'aurais pas pu mettre du Katy Perry. C'est la chanson qui ouvre leur album du même nom, Fire, par le groupe de R&B Funk, The Ohio Players. Le lien vers plus d'informations sur assemblagerequis.com. Moi, c'est clair, je vais aller écouter d'autres de leurs pièces. Ben oui, c'est super bon. Mm-hmm. Dans quelques instants, Alexandre Carignan, mais pour l'instant, on écoute Sillage par Mélora. Tout de suite, sur C'est fou. Oui, FM, ouais. FM Radio Campus de Trois-Rivières. C'était Medora et la pièce Sillage, mot qu'on n'utilise pas vraiment souvent dans la vie, mais qui existe quand même. S-I-L-L-A-G-E. Oui, moi, je pensais que c'était du sillage, tu sais, dans les bûcherons. Justement, c'était le temps d'aller chercher son sapin et faire du sillage d'arbre. Wow. Tu sais, qu'est-ce qu'on met au sommet d'un arbre de Noël? Une étoile. Oh non, mais Alexandre Carignan, l'étoile. C'est une vraie star! Voici sa superbe chronique qu'on appelle La boîte à musique. Ouhouhou! Alexandre Cagnan. Bon matin. Ça va? Ça va super bien. Oui, très content de te retrouver en studio parmi nous pour parler de musique. Eh oui, cette semaine, dans ma boîte à musique, il y a une belle chose. C'est quoi le jeu qu'on joue dans mes bagages? Je mets ta affaire, puis il faut que l'autre personne répète l'affaire que l'autre a dit ouais, avant. Ouais, je ne sais pas. Ouais, c'est drôle ça. Non. d'une maternelle. Tant que c'est 6 heures de char à faire, ça peut passer le temps. Là. Mais aujourd'hui, on n'a pas vraiment 6 heures, malheureusement. Non, on n'a pas 6 heures, en fait. On a du temps pour écouter de la bonne musique. Donc, cette semaine, là, vous savez, j'ai aucune direction artistique. Alors, on va un peu partout. Cette semaine, j'ai décidé d'aller vers le pulp rock folk soul blues. Le pulp rock, ça, c'est du rock avec un petit peu de pulpe, hein, c'est ça? C'est le rock folk blues. C'est comme ça que ça s'appelle. Ouais. Et oui, et moi, c'est un artiste que j'adore depuis vraiment longtemps. Je pense que j'étais en première année de cégep quand je l'ai découvert. Il s'appelle Paolo Nutini. Ah, il ça se met bien sur une tartine, ça, je pense, aussi, du Paolo Nutini. Hein, Paolo Nutini. Tartiné deux couches. Ça a l'air d'être un drôle de nom, mais il est italien, mais il habite en Écosse. Ben, en fait, il y a une mère italienne, son père est écossais, un bel accent british que moi j'adore beaucoup, beaucoup. Paolo Nutini, c'est ce genre de personne qui n'a que 27 ans, 3 albums. Ce genre de personne qui a 27 ans. Le genre de personne que tu fais « j'ai manqué ma vie ». Il est bon, là, puis ça va bien, puis tu fais « ok, ouais, ok ». Ben, c'est ça, c'est ce genre de personne-là qui a vraiment beaucoup de talent. Paolo Nutini a commencé, là, lui, sa mère, c'était une professeure, son père travaillait dans les usines, puis tu sais, ça se disait que dans cette partie-là d'Écosse, quand ton père travaille dans les usines, toi aussi tu vas le faire. Mais lui, il aimait beaucoup, beaucoup la musique, il avait une propension vers la guitare, il avait une belle voix, et il s'est fait pousser vers ça, ça n'a pas été facile, vendu pendant longtemps des t-shirts au bord de la rue. Il a grimpé les échelons jusqu'à une maison de disques et là, finalement, il a mis son démo et ça l'a été produit. Donc, en 2005, il a sorti son premier album qui est These Streets, qui a été accueilli favorablement. À l'époque, là, il avait 19 ans, quand même, pour mentionner... là, on se calme les nerfs. Il était bon, mais il n'était pas encore parfait. Très bon album quand même. Certaines chansons... Ici, là, ça n'a pas joué. Hein. Essayez pas de chercher ça dans votre mémoire. Ici, là... Mais pourtant, on n'est pas en Écosse, assez hot pour ça. C'est un des plus grands... Tu sais, c'est un des artistes là, les plus connus en Écosse. Okay. Et en 2009, il sort un deuxième album, Sunny Side Up, qui là, déjà, monte une coche sur la production, mais aussi sur... la manière de chanter les chansons, il va plus vers un côté folk. On avait une espèce de côté, une espèce de soft rock, pop rock un peu. Dans Sunny Side Up, là, il va vraiment vers ce que lui aime, peu importe ce que sa maison de disque lui a dit. Il a été vraiment sur un côté très folk, très lyrique. Et finalement, en 2013, il a sorti Causastic Love, qui, là, a été acclamé partout. Certains disent que c'est l'album soul de l'année. Donc, vous voyez ce genre de, ce genre de CD. Et c'est ça, en fait, là, il y a une belle progression dans ces albums. Le premier est un peu plus pop, le deuxième folk, et le dernier, là, il y a vraiment, là, un grand... Il y a du soul qui ressort de ça, là. Un Joe Cocker qui est à quelque part en arrière. Je ne sais pas si vous connaissez... Un peu passé, je pense. Ben, en fait, ça a été un grand ami des Beatles. Bon, tu sais, un très, très rocker, une belle voix rauque. Donc, c'est un peu ce genre de style-là qu'on en ressort. Les deux chansons que je vais vous passer aujourd'hui, la première, Candy, elle est du deuxième album, donc Sunny Side Up. C'est un côté beaucoup plus folk. On va avoir de la musique qui est justement plus vague, mais pas vague, mais... C'est un petit air doux, là. Okay. C'est un espèce de petit air d'été, là, que tout léger. Oui, alors, on va l'écouter ce premier extrait-là, qui est Candy, de Paolo Nutini. I was perched outside in the pouring rain, trying to make myself a sail. Then I'll float to you, my darling, with the evening on my tail. Although not the most honest means of travel, it gets me there nonetheless. On my heart, this man at worst, babe, and a helpless one at best. Darling, I'll leave your skin, I'll even wash your clothes. Just give me some candy before I go. Oh, darling, I'll kiss your eyes and lay you down on your rug. Just give me hurt lays out all the same. And although I'm left defeated, it gets held against my name. I know you got plenty to offer, baby, but I guess I've taken quite enough. While I'm some stain there on your bedsheet, you're my diamond in the rough. Darling, I'll bathe your skin, I'll even wash your clothes. Just give me some candy before I go. Oh, darling, I'll kiss your eyes and lay down on your rug. Just give me some candy after my cup. Oh, yeah, yeah. I know that there are but darling, I'll bathe your skin, I'll even wash your clothes. Just give me some candy before I go. Oh, darling, I'll kiss your eyes and lay you down on your rug. Just give me some candy after my go, and I'll be there waiting for you. You know that I'll be there waiting for you. Oh, alors, on vient d'entendre Candy de Paolo Nutini. Donc, quand je vous parlais de l'aspect folk qu'on retrouve, et c'est sa voix, elle est vraiment, vraiment belle. Une belle voix rauque, là, qui a, on dirait qu'il a vécu beaucoup, alors qu'il n'a que 27 ans. Ben oui, plus jeune que moi. c'est ça, ce genre de personnes plates, là, qui sont toutes... Bon. Mais il a avoué en 2014 qu'il fumait tous les jours. Ah oui. Bon, ben oui, ça, c'est peut-être ça la voix. Donc c'est ça, commencez à fumer les jeunes, puis lâchez l'école, puis prenez de la drogue. Non, ce n'est pas le message. Ah. Mais vous pouvez écouter de la bonne musique, comme Paolo Nutini. Alors, le deuxième extrait que je vais vous faire entendre, c'est de son dernier album, donc Caustic Love, qui a été, c'est ça, là, vraiment encensé par la critique. Un aspect beaucoup plus, là, on va dans le soul, on va dans le blues, et c'est vraiment mieux travaillé. Là. Pour vrai, c'est un peu l'apogée à date là, de toutes ces CD. Là. On a un aboutissement musical qui va dans le easy listening, donc un peu dans le pop, mais qui frôle beaucoup le soul. Et d'ailleurs, la chanson que je vais vous faire écouter, là, ça va être particulier, ben pas particulier, mais ça va être particulièrement dirigé vers le soul. Donc, on va aller écouter ça parce que c'est vraiment bon. Alors, on va aller écouter Scream, Funk My Light Off. Thank you. gotta know, you just come along. It's all my life. Lips like they be singing sexed up strawberry songs. Just for my life. Never heard it coming, thought he's just another woman with a shotgun in her hand. It's all my life. She's a bass, she's a beat, she's a rhythm, she's the band. Just for my life. And the girl so fine, but she wanna scream hallelujah. Like spider milk. And I never heard the warning when I woke up in the morning with my sunshine on a drip. But she's my rock, she's my bud, she's tequila, she's the trip. And the girl, so fine, makes you wanna scream hallelujah. C'était Scream, Funk My Life Up de Paolo Nutini, qui était ma découverte musicale cette semaine dans ma boîte à musique. Là, c'est pas ma découverte, là, parce que je la connais depuis longtemps, mais c'est la découverte que je vous fais part aujourd'hui. Exactement, et comme notre public en studio nous le dit, ça ressemble un petit peu à Charlie Winston, qu'on aime aussi. Oui. Un peu. Mais un peu, mais pas trop. C'est ça. Ben, ça va être la semaine prochaine, peut-être, Charlie Winston. Peut-être un autre à découvrir, comme on le fait toutes les semaines, les lundis, à 8h pour la chronique La Boîte à musique avec Alexandra Carignan. Alexandra, qu'on peut suivre à la Lime. Oui, cette semaine, d'ailleurs, on joue contre l'équipe des Bleus joue contre l'équipe des Pêches. Oui, est-ce que tu vas jouer cette semaine? Tu joues pas chaque semaine. Eh oui, je joue cette semaine. Parfait, c'est bon, ça. Je suis substitute. Sinon, peux-tu, j'imagine, via Facebook, Twitter, Instagram? Eh oui, ben, peut-être pas Instagram. Il me semble qu'on était là, mais qu'on n'a pas alimenté le fil de la Lime. Alors, mais certainement Facebook, vous allez voir l'événement, mais aussi l'endroit, donc Maison de la Culture, le prix d'entrée et toute la patente. Génial, merci Alex. Ça fait plaisir. À la semaine prochaine. dans quelques instants, ce sera David Ferron et ses notes salées. Es-tu prêt? Je suis prêt. On a eu vraiment tout le temps qu'il nous fallait pour se remettre dans le bain pour accueillir David Ferron. Pauvre gars, hein, on le martyrise à chaque fois. On n'a rien dit. On n'a absolument rien dit, t'as bien raison. Au retour, donc, les notes salées et puis plus tard, le bloc pub à Assemblage Rocky. Restez là. Écoutez-nous en direct sur le web sur cfou.ca. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Vous êtes toujours à Assemblage requis en ce lundi matin du 1er décembre 2014. C'est Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Plante. On a enfin accueilli en studio nul autre qu'un gars qui a la bouche tout le temps grande ouverte, prêt à parler. Est-ce qu'on peut entendre les sons? Pourquoi tu montes le son là? Je sais pas, c'est le micro magique, c'est pas de ma faute. Il agit par sa propre volonté, ce micro magique. C'est vrai, il est magique. Donc, c'est David Ferron. On a possibilité brillant, magique seulement. Je choisis pas c'est les sons qui vont amplifier. Ouais, c'est. On sait pas trop. C'est David Ferron et les notes salées. Salé, hey! Les plats congelés, il y a ben trop de sel là-dedans. Il y a aussi des agents de conservation. C'est pas super bon. Tu devrais te faire à manger à la place. Meilleur aussi. My nuts. C'est les notes salées. Moi, c'est le beat cette fois-ci que les autres fois, on dirait, je trouve. C'était pas bien. C'est du slam. Oui, c'est ça. C'est plus parler poétique. David, ça va? Hein? Vous me faites mourir à chaque fois que vous chantez l'intro. On devrait faire rentrer dans le studio après qu'on ait chanté. Et on accueille David Ferron! Ça serait bien mieux si c'était lui-même qui calait son entrée. Oui. Comme Alexandre Barrette à Ton Crochu. C'est vrai, t'as raison. La première année, il y avait un annonceur, puis soudainement, ils l'ont sacré dehors, puis ils l'ont fait faire. Mais là, je pense que c'est le panel qui accueille. Mais c'est pas, ça fait vraiment longtemps que j'ai écouté ça. Donc, David, c'est les notes salées où tu nous présentes plein de choses différentes sans vraiment nécessairement avoir une façon de faire comme au début de le nom de la chronique était en raison de tes coups de cœur et coups de... Pas de cœur, mais tu fais plus vraiment ça, je pense. C'est des coups de sel, je vais arrêter de l'annoncer comme moi. Ben oui, là, en fait, pour aujourd'hui, je vais vous présenter du country, mais du country épicé et assez salé. OK. Ah, OK. Donc, c'est ça le lien. Quelles épices? Jalapeno. Jalapeno. C'est pas une épice. C'est pas une épice arabe, ça. Jalapeno. Non, c'est espagnol, mais j'essaie de dire le J espagnol parce que le J espagnol, on le dit pas J. En fait, tu dis juste jalapeno. Ouais, mais il faut comme qu'il y ait une espèce de petit R subtil, mais jalapeno, pas trop. Jalapeno. Mais pas trop. Là, j'ai trop roulé l'air. Okay. Mais c'est comme, c'est comme si on essayerait de faire sortir un morceau. De jalapeno pris dans ta gorge. Oui. Dans ton œsophage. Parlant de ça, hier, c'était la coupe grise, j'ai fait des poppers. Ouh. Des gros jalapenos. Jalapenos, que les Québécois disent d'habitude. Jalapenos. Des jalapenos. Hey, c'est cute, comment tu le dis? Des jalapenos. Ça fait lapino. Si tu dis correctement le mot jalapeno, les gens, ils comprennent pas ce que tu veux dire. Ouais, hein, jalapeno. De toute façon, il n'y en a jamais à l'épicerie. Ouais. Donc, bref, derrière cette controverse jalapinée, eh bien, en fait, avant... T'as lapiné quoi, toi, là? Je sais pas. Mets-toi à genoux. Okay. Non, il y a déjà des rougeurs sur les genoux. Ah, c'est ce qu'on m'a dit. Je pense qu'il réparait la sécheuse. Tu sais. Ah, OK. Ça se peut. Malaise. Malaise, hein? Pourquoi est-ce qu'on sait qu'il y a des rougeurs sur les genoux alors qu'on est l'hiver et pas des pantalons? Ah, ça... Ce qui se passe en studio reste en studio. Sûr qu'il y a des pantalons! On n'a pas de preuve de tout ça! Hey, c'est désolé, hein, David. Ça... Le temps est long un peu. Ouais, c'était quoi tu voulais nous dire? On n'est pas réveillé encore de la fin de semaine. Hey, sérieux, je pense que j'arriverai pas à faire ma chronique. Mais cette idée de boire de la boisson énergisante, je comprends pas, David. T'as pas besoin de ça. Prends-en, Steph. Mais non, oui. Non, on a du problème. Je mormone, je peux. Je boirai pas ça, certain. OK, c'est bien. Ben, en fait, on parlera pas des Mormons, mais avant d'expliquer le cœur de la chronique, je vais vous expliquer deux contextes. Okay. Il y en a un qui est historique, qui est pas très drôle, c'est qu'en fait, le 6 décembre 1989, c'est vraiment une date qui est poche parce que cette année, on va fêter le 25e anniversaire de la tuerie de Polytechnique. Donc, déjà? Oui, ça va être le 25e et c'est un fou furieux qui a décidé de tuer 14 femmes juste parce qu'elles étaient des femmes. C'est aussi ridicule que ça. Et heureusement, les femmes continuent aujourd'hui à revendiquer leurs droits, comme montre le cas de Yann Gomeshi. Tout à fait, tout à fait. L'animateur de CBC qui a été renvoyé pour diverses raisons d'actes sexuels non trop désirés. Genre trop salé. Un petit peu trop, il aurait fallu qu'il mette de l'eau dans son vin un petit peu. Ouais. Et on va dire présumé. Oui, c'est sûr. Mais tout ça pour démontrer que les femmes, encore aujourd'hui, continuez votre combat, on a besoin de vous dans la société. Voilà. Et l'autre chose, c'est que choc, États-Unis. OK, oui. Alors, j'ai besoin que vous fassiez des bruits de vent avec votre bouche parce qu'il y a un cataclysme dans le monde de la musique country aux États-Unis. Alors, ce qui se passe aux États-Unis, c'est qu'il y a deux chanteurs country populaires qui ont deviné quoi? Quoi? On peut pas faire dire quoi et en plus faire du vent. Il n'y a pas de question. Mais... Regarde, moi, je fais du vent. Toi, tu dis quoi? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a deux chanteurs, un qui s'appelle Billy Gilman et l'autre... Ty Herndon, les deux ont avoué leur homosexualité. Inacceptable, c'est pas vrai. Non, en effet, mais dans la communauté country états-unien, ça brasse. Oui, j'imagine, ça prend pas grand-chose. C'est vrai qu'ils sont spoilés. Un petit peu. Surtout que Ty Herndon a été marié deux fois avec des enfants et est considéré... Il a été marié avec des enfants? Ben là, ça a pas été scandale! Ben, je veux dire, marié et a eu des enfants avec ses femmes. Ah, ben là, prends le temps de faire tes phrases. C'est parce qu'il est mormon, mais justement. Vous faites pas ça, marier des enfants, vous autres? Non. Pauvres mormons, ils se font tellement acharner. Ouais, de chez... je t'inculte. Je dis n'importe quoi pour avoir l'air intéressant, mais c'est inintéressant. Ouais. Alors, donc, Ty Herndon qui a quand même une réputation de chanter des valeurs qui sont reliées au catholicisme. Oui. Donc, c'est quand même une onde de choc par rapport à ça. Et par rapport à ces deux contextes-là, de la polytechnique, donc des femmes, et du country qui est en plein remue-ménage, eh bien, je vais vous présenter trois chanteuses. Et eux, ces chanteuses-là n'ont pas peur de botter le popotin du cheval et de pousser les limites de la balle de foin. Oh, wow! Je suis dans la thématique. Country, hein? Parfait. Oui. Hi-ha! Moi, je suis allergique au foin, par exemple. J'espère que tu n'en as pas amené. Ben, on met ça des germes de blé ou je sais pas. Ouais, tu forces une autre foin. Oui. Salut, bonjour. Yeah. Hey, vous êtes tellement bon pour faire du bruitage. T'as-tu un autre bruit à nous demander? On va écouter la musique de fond. Alors, ce soir, un disco mobile, c'est fou, 89 FM. C'est Bouge de là! Avec Juliette Powell. Oh, wow! On retourne en arrière. Alors, on va retourner à nos bottes de foin. Des bottes physiquement faites en foin. Oui, exactement. Est-ce que c'est des pantoufles aussi? Oui, en blé. D'emblée. Des bottes d'emblée. Bref, d'emblée. Si je suis intolérante au gluten, par exemple, est-ce que je peux mettre des bottes de blé? À moins que ta peau soit allergique. D'accord. Mais en fait, je vous présente trois chanteuses qui ne vous rendront pas allergiques, sauf aux conservateurs. OK. Mm. Donc, c'est pour les conservateurs, c'est une très grosse source d'intolérance auditive. D'abord, je vous présente Loretta Lynn, qui est notre doyenne dans notre trio. Et Loretta Lynn, en fait, je vais vous présenter les trois chansons, une à la suite de... En fait, je vais vous décrire les trois chansons et on va les faire jouer une tout à la suite de l'autre. Oui. Exactement, comme d'habitude, en fait. Ben oui. Alors, Loretta Lynn, qui est notre doyenne, c'est qu'elle, c'est une chanteuse country qui, en 2004, à l'âge de 72 ans, a sorti l'album Van Leer Rose, qui est produit par nul autre que Jack White, qui joue dans... Oui, et qui joue également dans cet album-là de la guitare, de l'orgue, du piano et des percussions. Et la pièce Portland, Oregon, qu'on va entendre, porte vraiment la marque de White, parce qu'on peut aussi également entendre sa voix en duo. Okay. Et en fait, Loretta Lynn, qui a une carrière de 55 ans, a eu des paroles très engagées dans ses chansons tout au long de sa carrière. Et ça démontre vraiment un côté très complexe, comme une espèce de mini-wheat. parce que c'est quelqu'un qui appuie ouvertement le Parti républicain aux États-Unis, mais en même temps, elle chante des chansons sur la pilule contraceptive, sur les ravages de la guerre au Vietnam ou encore sur le divorce dans les années 70. Mmh. Donc, une chanteuse country quand même assez traditionnelle. Dans ce temps-là, disons qu'elle s'est faite boycotter par les radios. Mais, par contre, ce n'est pas une partisane du féminisme, mais d'un autre côté, elle considère que les femmes ont le droit au respect. Donc, c'est un espèce de personnage qu'on peut considérer comme paradoxal, mais finalement, on comprend un petit peu sa logique. dans le sens que on peut pas nécessairement être progressiste, mais dire que les femmes ont droit au respect. Ouais. C'est complexe. L'autre, la deuxième chanteuse, c'est Kacey Musgraves. Elle, c'est sa chanson Merry Go Round, tirée de son album Same Trailer, Different Park. Et là, si on regarde à la pochette, Mathieu, tu vas adorer la pochette parce qu'on voit cette jeune femme, Kacey. Ooh. Et là, ça a vraiment typique, belle pitoune country avec le décor. Elle a pas 72 ans, celle-là. Ouais. Ben, à la fin, je pense qu'elle a comme 25 ans. Mais en fait, faut pas se fier à la pochette parce que Miss Kacey, c'est loin d'être une potiche cowgirl. C'est plutôt dans son album Same Trailer, Different Park, elle raconte la vie texane d'une manière un petit peu déprimante parfois. Okay. Par exemple, dans Merry Go Round, la chanson qu'on va écouter, c'est l'histoire d'une jeune femme qui semble être prise dans son quotidien qui a l'air d'avoir aucune issue. Donc, cette chanson comprend des phrases assez rentre-dedans comme « Mama's hooked on Mary Kay, Brother's hooked on Mary Jane mm-hmm. » et « Daddy hooked on Mary two doors down ». OK. Donc, l'un est accro à la marijuana, l'autre est accro à la Marie qui habite à deux maisons ouais. de là, puis l'autre, je me rappelle déjà plus du tout. La mère à Mary Kay, qui est okay. une marque de produits comme avant. Voilà. Donc, l'album de Kacey Musgraves, Same Trailer, Different Park, a été classé parmi les 50 meilleurs albums de l'année en 2013. Et ça, ça a été classé dans le Rolling Stones, Spin et The Washington Post, qui l'a même classé dans son top 10. Pas top 10 albums country, mais top 10 tout court. Oh. Ce qui a ragé les conservateurs, parce que dans l'album, dans son album Same Trailer, Different Park, Musgraves parle notamment de marijuana, comme on l'a vu avec Merry Go Round, mais aussi des allusions à l'homosexualité. Mm-hmm. Donc, c'est un disque country, mais pas très traditionnel, mettons. Ouais. C'est, mettons, country sauce crémeuse. Miam! Tandis que Loretta Lynn, peut-être country sauce vinaigre. Vinaigre, ouais, plus traditionnel, oui, mettons, genre. Oui, exactement. Ouais. Et la troisième chanson, c'est Goodbye Earl du trio féminin Dixie Chicks. Et c'est un groupe issu également du Texas, tout comme Kacey. Et en 2003, Dixie Chicks, en fait, une des membres du groupe, Natalie Maines, a dit sur George Bush qu'elle avait honte de George Bush parce qu'il venait comme elle et les autres filles du groupe du Texas. Mm. Et là, il faut se rappeler qu'en 2003, c'est la guerre en Irak et ça divise le monde. Et eux, en fait, Natalie Maines a pris position contre la guerre en Irak et a dit que George Bush lui faisait honte. Ouais. Et là, ça lui a valu des menaces de mort. Tant que ça. Oh, wow. Oui. Tu sais, un groupe country du Texas qui parle contre George Bush. Surtout sur un sujet assez épineux comme la guerre en Irak. Mais par contre, les deux autres membres du groupe ont appuyé Mme Maines. Et en plus, cette déclaration anti-Bush leur a permis d'être populaire en France. OK. Donc, c'est un mal pour un bien, mais ils en ont bavé pas mal, disons. Ouais. Et là, la chanson « Goodbye Earl » qu'on va entendre, ça a aussi causé de la controverse en 98. C'est que c'est une pièce qui parle de deux femmes et ces deux femmes-là se partagent le même homme. Et là, le gars frappe sa femme. Et là, finalement, la maîtresse du mari, mm-hmm. qui est en fait la meilleure amie de la femme violentée, donc vous suivez le jusqu'à triangle, là. Ouais, assez ouais, serré. Hein. Exactement, donc les deux femmes finalement décident de se venger de Earl, qui est le nom du mari, et finalement l'empoisonnent. Donc, ça crée toute une controverse, donc le mari violent qu'on se débarrasse, et aussi le simple physique. Quand Goodbye Earl est sorti en physique en 98, il y a eu, dans la face B, une version vraiment ironique d'une chanson de la chanteuse country Tammy Wynette qui s'appelle Stand By Your Man. Mmh. Stand By Your Man a été très controversé parce que c'est considéré comme une chanson très anti-féministe. Donc, juste par le titre, Stand By Your Man, ça veut dire, ben, reste avec ton mari, puis... Alors, comme une femme, pour certains, devrait être. Oui, exactement. Ça a été interprété comme ça selon la chanteuse Madame Wynette. Ça ne veut pas nécessairement dire ça, mais en tout cas, bref, il y a une controverse là-dessus. Mmh. Et donc, on est prêt à écouter ces trois groupes féminins ou chanteuses. On écoute dans l'ordre que tu les as mentionnés, bien sûr. Exactement. Commençons avec Loretta Lynn et Portland, Oregon. Oui, là, il y a une petite seconde de silence jusqu'à temps que la guitare de Jack White rugit dans nos oreilles. Dans les notes sales. Yeah! If that ain't love, then tell me what is, Well, I lost my heart, it didn't take no time. That ain't all, I lost my mind in Oregon. In the booth in the corner with the lights down low, I was moving in fast, she was taking it slow. I knew right then we were playing free in Oregon. Like you spoke, same hurt in every heart. Same trailer, different part. Mama's hooked on Mary Kay, brother's hooked on Mary Jane, and daddy's hooked on Mary two doors down. Mary, Mary, quack and trary, we get bored so we get married, and just like us settle in this town on this broken merry-go-round, round and round we go. Where it stops, nobody knows, and it ain't slowing down this merry-go-round. We think the first time's good enough, so we hold on. High school love, say we won't end up like our parents. Tiny little boxes in a row, ain't what you want, it's what you know. Just happy in the shoes you wear. Same checks we're always cashing, to buy a little more distraction. Mama's hooked on Mary Kay, brother's hooked on Mary Jane, daddy's hooked on Mary two doors down. Mary, Mary, quack and trary, we get bored so we get married, and just like dust we settle in this town on this broken merry-go-round. And round and round we go, where we stop slowing down this merry-go-round. Merry, merry, quack and trary, we're so bored until we're buried, and just like dust we settle in this town on this broken merry-go-round. Up the hill, Jack burned out on booze and pills, and Mary had a little lamb. Mary just don't give a damn no more. FFA. After graduation, Marianne went out looking for a bright new world. Wanda looked all around this town and all she found was Earl. C'était les Dixie Chicks avec Goodbye Earl, précédé de Kacey Musgraves avec Merry Go Round. Et là, on a commencé notre trio country salé épicé avec Loretta Lynn et Portland, Oregon. Excellent. Du country, c'est rare qu'on entend ça assez fou, mais au moins, t'en as choisi du bon quand même. Oui, quand même. C'est sûr que ça serait du mauvais country, j'aurais pas choisi. Et d'ailleurs, Maxime Landry, take note. Maxime Landry, on le salue. Hein? Ouais. C'est sûr. C'est sûr. Parce que probablement qu'il nous écoute. Probablement, c'est son genre. David Ferron, donc on te retrouve avec une autre chronique, Les Notes Salées, la semaine prochaine, lundi matin à 8h30. Et on t'écoute aussi à Palmarès du Monde. Oui. Le soir à 18h. Oui, exactement. Donc, top 5, nouveautés musicales aussi. Donc, ça va être pas mal ça ce soir. Puis on a une nouveauté d'un groupe sud-africain qui mélange rock sud-africain, hip-hop et rap. Ouh! Donc, ça s'appelle Fantasma. Séduisant. Oui. C'est séduisant. Ça fesse dans le dash, comme on dit. Palmarès du Monde, lundi soir à 18h. Et on te remercie, David Ferron. Ben, ça fait plaisir. Merci beaucoup, Stéphanie et Mathieu. De rien. Bonne journée. Merci. Et, oh, et, oh, et, ah. Au retour de la pause. Allô? Au retour de la pause, ce sera le bloc pub. On va parler de marketing ensemble. C'est juste au retour. Assemblage Rocky sur C'est fou. 89 FM. Dans la zone 89.1. Avec Mathieu. Qui passe aujourd'hui? Ouais, je le 29, je m'en sac. Mais mon Dieu, t'es pas à la date. Oh. L'ultima. On est rebelles. On est des rétois. Dans la vie, putain de total. Hein? Pour ça qu'on a... Papa! C'est le blog ici. On va mélanger Belle et les sans trop suivre. Les Canadiens font apparemment peu confiance à la publicité en ligne, Steph. Je t'apprends quelque chose. Ouais, selon l'article d'infopresse.com, si 67% ont une opinion quelque peu favorable de la publicité, celle diffusée dans les médias traditionnels est perçue comme plus digne de confiance selon un rapport de NCP qui contient pour la première fois des données spécifiques aux francophones. Donc c'est le rapport des normes canadiennes de la publicité, le NCP. Les médias traditionnels, surtout imprimés, restent les mieux perçus en matière de vérité et d'exactitude, avec les annonces imprimées dans les journaux en tête qui obtiennent un taux de confiance de 66%. On retrouve à l'autre bout les publicités de type pop-up en ligne, avec un maigre 10% sur la même échelle. Les 7 dernières places de ce palmarès sont occupées par des formes de publicité numérique, par exemple les courriels promotionnels, auxquels on s'inscrit ou pas. Des fois, on en reçoit même si on s'inscrit pas. Et ça, c'est illégal au Canada. Oui. Bannières ou encore les pre-rolls, ça, c'est les vidéos qui jouent avant une publicité vidéo sur YouTube, entre autres. Donc, 40% des jeunes ne cliquent sur les publicités en ligne. Les francophones sont néanmoins plus enclins à le faire que les anglophones s'ils croient qu'elles ne sont pas trompeuses. Donc, 39% contre 28%. D'ailleurs, NCP consacre une partie de son rapport à la publicité native. On en parlait il y a quelques semaines, révélant qu'elle demeure méconnue des Canadiens. Un peu plus de la moitié avait déjà entendu parler de contenu commandité, contenu de marque ou encore advertorial content. Ça, c'est des publicités qui ont l'air d'être du contenu. C'est un peu comme des... C'est pas comme des publi-reportages qui sont clairement mentionnés publi-reportages et qui n'ont pas nécessairement l'air du contenu. On parle de contenu qui a l'air rédigé par la rédaction du journal. Près de 9 sur 10 se disaient dérangés de constater que ce qu'ils croyaient d'abord être du contenu rédactionnel s'avérait être une publicité. Donc, c'est des statistiques concernant la publicité native en ligne. Les Canadiens demandent plus de clarté concernant les termes utilisés pour distinguer l'un de l'autre. Si contenu commandité et contenu de marque sont compris par la majorité, plusieurs hésitent devant certaines publications apparaissant dans leurs réseaux sociaux, les résultats de leurs recherches Internet ou certains suppléments d'information. Le rapport sert aussi à tâter le pouls des Canadiens sur ce qu'ils jugent acceptable ou non en matière publicitaire. Donc, 42% ont été exposés récemment à une publicité qu'ils qualifieraient d'inacceptable. Donc, ce taux chute à 32% lorsqu'on isole les francophones. Lorsqu'on interroge les Canadiens sur ce qu'ils trouvent inacceptable en matière de publicité, la fausse représentation d'un produit ou d'un service arrive en tête à 24%, le plus souvent dans des catégories de publicité touchant les voitures, les partis politiques et les produits de santé. Suivi d'une représentation de sexisme, 21% des gens, le plus souvent dans les vêtements, meubles ou produits pour la maison. Et finalement, 65% des Canadiens ont déjà modifié leurs habitudes de consommation en réaction à une pub leur ayant déplu. Ah oui? Genre changer de marque, ne plus acheter de produit. Le rapport au complet est disponible sur assemblagerequis.com. Il va y avoir moins de contenu publicitaire sur le fil de nouvelles de Facebook. Après avoir sondé ses utilisateurs, Facebook a annoncé pour janvier 2015 une réduction des publications au contenu jugé trop promotionnel sur les fils de nouvelles, et ça pourrait affecter des choses comme C'est fou et Zone Campus. Le réseau compte donc filtrer et mieux encadrer la publication des contenus publiés par les marques et entreprises. Ça inclut les textes incitant à acheter un produit ou à installer une application, soit encourageant à participer à des concours et des tirages sans véritable contexte, ce qu'on a déjà fait ici quand même, et les publications réutilisant le même contenu que certaines publicités. Des modifications qui vont avoir un impact sur la stratégie des annonceurs, puisqu'elle sépare encore plus nettement les publications adressées aux fans de manière organique, les annonces publicitaires destinées à atteindre les objectifs commerciaux. Évidemment, quand on fait un concours pour quelque chose, ça peut être pas mal une publicité pour le non, mais show et la station radio. Je suis pas certaine que c'est ce genre de publicité-là dont ils parlent. C'est ça aussi, mais sinon... Non, parce qu'en fait, si par exemple, t'es fan de C'est fou, ben, tu vas recevoir les notifications normalement. Mais dans le fil d'actualité, tu as de la publicité qui ne sont pas... Qui ne proviennent pas de pages que tu as aimées. Donc, je pense que c'est plus ce genre de publicité-là qui va être réduit. Parce que sinon, quand tu aimes un fil d'actualité, c'est parce que tu veux connaître les concours et tout ça. Donc, je pense pas que ce soit ce genre de publicité-là dont il parle. Il y a aussi souvent, on va me dire dans mon fil de nouvelles que qu'une personne que je connais est fan de telle affaire. Et quand tu vas dans les pages. Il n'est pas fan. Il n'est pas fan, donc ça, c'est profane. C'est... donc, nouvelle politique pourrait sonner le glas pour certaines marques. Je cite, ces changements pourront s'avérer un point de non-retour pour certaines entreprises qui utilisaient de façon trop promotionnelle et pas assez personnelle le réseau social. Donc, c'est pour ça que je trouve que ça a quand même un certain lien avec ce que je disais tantôt. Mais bon. Ensuite, ignorer la télévision peut gâcher une vie. C'est une publicité vidéo qu'on va aller regarder ensemble. C'est donc une publicité norvégienne de Canal Digital. Et de TriApt Oslo qui montre que se priver de séries cultes peut nous rendre malheureux en toutes circonstances pour l'éternité. C'est le message qui s'appelle Silverhand, un homme qui a raté un épisode pivot d'une série culte se retrouve constamment laissé pour compte. Donc c'est celle-ci ici qu'on s'en va entendre. Donc la morale de l'histoire, on va la comprendre tous ensemble. Attention, on y va. Excellent, excellent. Ça, c'est pas le mot excellent, c'est le mot écœurant. Donc, le gars qui arrive à la cafétéria se fait parler de l'épisode d'hier soir d'une série télé. Est-ce que t'as vu l'épisode? Non. Et là, l'autre gars continue de faire le running gag de la main argentée. Et là, il est aux toilettes à l'urinoir et quelqu'un refait encore le même signe. Au bulletin de nouvelles à la télé, on fait le même symbole. Avec une main en genre de pince ou quelque chose comme ça. Et là, le gars essaie de faire référence au bar. Hey, c'est un peu comme la Silver Hand. le gars est en train de se faire faire un massage et la madame lui parle de Silver Hand. Il est dans la mer et il se fait poursuivre par des requins. Il se fait dire « Enfais la main argentée! » Le gars, il passe pas juste noyer, moi, c'est ça. Là, il est rendu personne âgée. Les enfants à Halloween sont déguisés en Silver Hand. Il est à la maison pour retraiter et tout le monde fait la Silver Hand. Et le gars, ben, il n'a plus de jambes parce qu'il fait manger la jambe par un requin, évidemment. Oui. Et lors de ses funérailles, la vie est fragile, dit le prêtre, ça me rappelle Silverhand. Et là, le cadre tombe. Et le gars est même dans sa tombe, en train de se revirer de bord. C'est pour promouvoir les 7 jours d'archives des émissions sur le site de cette compagnie-là, Canal Digital. Je trouve ça excellent. C'est très bien. J'aime les Norvégiens. Oui, ils sont drôles. On fait tous la main argentée. On va pouvoir faire nous-mêmes ce running gag-là. On n'a même pas vu l'épisode, nous. Ben non, mais ça doit pas être un épisode qui existe. Non, c'est ça, sûrement pas. J'imagine que non. Ensuite, une autre publicité qu'on va regarder ensemble, c'est en partenariat avec Zulu Alpha Kilo. Donc, Zach. Tank lance la nouvelle campagne nationale d'Interac. Est-ce que tu as vu la campagne nationale d'Interac qui met l'accent sur la facture du temps des fêtes? Oui. Tu l'as vu? Moi, je l'ai pas vu. On va le regarder ensemble. Ben oui. Donc, offensive qui montre des consommateurs qui portent le poids de leur facture de carte de crédit. C'est ça, c'est après le temps des fêtes face aux utilisateurs d'Interac qui, eux, ne vivent pas cette situation. Moi, évidemment, j'imagine comme bien beaucoup d'entre vous. Je n'ai pas la télé à la maison, donc c'est pour ça que je vois pas la plupart de ces publicités québécoises là. C'est qui ça? Ma facture des fêtes. T'en as pas reçu. J'ai utilisé des biens Interac au lieu du crédit. Hey, hey, hey, hey! De quoi je me mêle, moi? Donc, on a le monsieur qui est déguisé en facture et embarqué en enveloppe avec des factures à l'intérieur. Comme en homme sandwich, si on veut. Et accompagne toujours l'autre personne, comme de quoi que c'est un petit rappel que tu as de l'argent que tu dois à quelque part. Ça veut dire de faire attention dans le temps des fêtes, là. Oui. On dépense pas l'argent qu'on n'a pas. Exact. Leçon que je retiendrai apparemment jamais. C'était les Lions de Cannes récemment et c'est Heineken qui est sorti comme annonceur de l'année. Le titre d'annonceur de l'année donc sera remis à Heineken lors de la 62e édition du Festival international de la créativité de Cannes. Un prix qui récompense les entreprises qui se sont distinguées dans la commercialisation mondiale de leurs produits et qui ont fait preuve de créativité dans leur communication de marque, nous dit Infopresse. Donc le titre est décerné à un annonceur qui repousse les limites de la créativité, affirme donc le directeur général des Lions. Heineken est synonyme de créativité dans tous ses aspects et dispose d'un cadre permettant à ses équipes de marketing d'expérimenter en toute liberté, dans le respect de l'essence de ses nombreuses marques. Le restaurateur McDonald's qui a été le vainqueur du prix en 2014, la 62e édition qui va se dérouler du 21 au 27 juin 2015 à Cannes, en France. Donc Heineken pour sa publicité que je croyais être imbriquée dans l'article, mais apparemment ne l'est pas et je ne vois pas de lien vers la publicité. Ah, ben non, dommage. Dommage, attends un peu. Non, c'est juste le marketeur de l'année par rapport à tout l'ensemble de l'œuvre. C'est pas une publicité particulière. C'est exact. Google qui va offrir un système participatif pour bloquer les pubs. Ça s'appelle Contributor. Vous avez peut-être entendu parler dans les derniers jours. Mais c'est un service qui propose aux internautes de payer pour bloquer les publicités sur certains sites web. En déboursant une petite somme, les participants peuvent éviter les publicités de plusieurs sites, dont The Onion, Mashable, WikiHow, Urban Dictionary, Science Daily et Imgur. Plutôt que de voir les annonces, les messages de remerciement vont être affichés sur les pages. C'est bien mieux. Ben oui, ça prend de la place quand même, mais bon, au moins on se sauve de tout le mouvement que ça peut avoir, ces publicités-là. Donc, contrairement aux extensions qui bloquent les pubs, ce système permet d'établir un modèle de financement des plateformes de contenu. Les outils comme Adblock éliminent les visionnements et la possibilité de clic, alors que l'Internet d'aujourd'hui est majoritairement financé par la pub. Les participants choisissent donc de donner de 1 à 3 $ et une partie de l'argent récolté est remise aux sites participants. Présentement, il est possible de s'inscrire sur la liste d'attente en vue de recevoir une invitation pour le service. C'est service@google.com. Cherchez Google Contributor, ça va être plus simple parce que l'adresse est quand même longue. On va recevoir une invitation pour le service aux États-Unis pour l'instant, mais ça va venir, j'imagine, ailleurs plus tard. Mais ça me semble logique, parce que dans le fond, si la publicité, ils font ça pour financer, toi, tu décides de payer tout de suite. Direct. Donc, ils te remercient, merci, vous avez financé votre visite. Ben, on n'a pas besoin de vous montrer de publicité. Un peu la même chose qu'avec la facture de tantôt à l'épicerie. Tu n'as plus besoin d'avoir ton accompagnateur de facture. Tu n'as plus d'accompagnateur de pub. Personne ne te suit. Ça me faisait plus penser aux applications. Si tu veux la version pas de pub, il faut que tu l'achètes, ce qui est tout à fait logique. C'est tout le temps des jambes, la pub. Maintenant, justement, pour éliminer les pubs, c'est une ville française, Grenoble, qui dit non aux pubs. OK. Ouais, la publicité n'a pas renouvelé son contrat d'affichage et ne va pas organiser la municipalité. Pas la publicité, non? La municipalité de Grenoble n'a pas renouvelé son contrat d'affichage et ne va pas organiser un appel d'offres. Elle prévoit planter des arbres et offrir des espaces d'expression publique plutôt que des publicités dans sa ville. Grenoble qui a récemment élu un nouveau maire, Éric Piolle, du parti Europe Écologie, donc les Verts. Celui-ci n'a pas reconduit le contrat de JC Deco qui offre de l'affichage extérieur. Ainsi, 326 panneaux seront retirés de janvier à avril 2015, ce qui va totaliser 2051 mètres carrés d'espace. La municipalité qui compte plutôt planter près de 50 arbres. Je cite, « La municipalité choisit de libérer l'espace public grenoblois de la publicité en développant des espaces d'expression publique et en ne lançant pas de nouvelles appels d'offres pour de l'affichage publicitaire. Selon JC Déco, la ville se prive donc de 6 millions d'euros de revenus sur 10 ans, un chiffre que la municipalité remet en question. Selon elle, l'effondrement des prix publicitaires aurait fait passer les revenus de 600 000 euros par année à 150 000. Il restera tout de même des publicités sur les abribus de la ville dont le contrat se termine en 2019. Mais on s'imagine que si le même parti reste là en 2019, ça va être fini. Là, il faut juste terminer le contrat. Ouais. J'imagine. Tu dis non à de l'argent par principe, j'imagine. Ben, c'est parce que tu peux peut-être vouloir justement attirer plus de touristes qui vont être intéressants par la beauté de la ville qui est sans publicité. Mmh. Donc, j'imagine qu'il y a une façon d'aller chercher cet argent-là ailleurs parce que ça va être plutôt unique, si on veut, comme image de la ville. Mmh. Donc, Ça pourrait être un bon endroit aussi pour filmer des choses, peut-être des films, pour pas avoir à utiliser l'argent des effets spéciaux pour masquer les pubs dans une ville. Mettons, tu pourrais filmer là puis avoir un vrai paysage ou peut-être même quelque chose d'un petit peu rétro. Parce qu'une ville sans publicité, ça fait... c'est du jamais vu de nos jours. Mm-hmm. L'important, c'est de ne pas filmer les abribus pour l'instant. C'est ça. Exact. Il faut sauter par-dessus ça. Offensive des fêtes pour Métro. Est-ce que tu as vu ça? Ils ont réuni des acrobates, jongleurs et contorsionnistes dans un supermarché. Ouais. Puis dans Bof. T'as pas aimé ça? Non, dans une campagne signée Publicis Montréal, surprise qui a été réalisée en magasin le 8 novembre dernier. Jongleurs, contorsionnistes, acrobates, artistes et chanteurs, tous habillés en épiciers métro, ont surpris la clientèle du Métro Plus de Sainte-Julie avec des performances. Donc, la vidéo s'appelle « Toute une surprise pour Noël chez Métro » et ça traduit les émotions vécues ensemble, blablabla et autres trucs de marketing. Nous sommes très fiers du résultat, blablabla. Métro qui a utilisé les services des événements 45 Degrees, la division du groupe Cirque du Soleil qui crée et produit du contenu pour des événements et des projets spéciaux. Non, j'ai pas trippé ces niaiseaux. On dirait que tu regardes la publicité et mis hors contexte, tu vas juste pas trop comprendre ce qui se passe. Puis ça, je pense que tu perds vite l'intérêt du téléspectateur. Mm-hmm. Je pense qu'on va quand même regarder un petit peu l'extrait. Un petit peu, pas trop, quand même. Donc écoutons, toute une surprise pour Noël chez Métro. Donc pour les fêtes, Métro se dépasse pour émerveiller ses clients. On l'a dit, c'était à Sainte-Julie. La famille Riendo, propriétaire. Hein? Donc, on donne des petits trucs en entrant. L'autre épicier est en train de monter l'arbre de Noël. Hein? Tout c'est plus normal. Donner une petite boule de Noël à une jeune fille sur une échelle, sur un escabeau. Avec un gros M de métro. Avec un gros M, bien sûr. Donc, arrive une lignée de gens avec un chapeau de Noël et un genre de foulard rouge. Mais c'est parce que là, on s'entend qu'à la télé, tu vas voir la version courte. Ben oui, c'est ça. Avec c'est beaucoup ça. Moins de mise en contexte. Exact. Nous, c'est l'important, c'est la mise en contexte. Donc, ils se mettent à faire des culbutes par rapport à une fille qui était montée sur les réfrigérateurs. L'autre l'a pris dans ses bras. L'autre lance des couteaux dans les airs, jongle avec ça. De façon assez impressionnante, assez. On ne se le cachera pas. Ouais. Il y a une corde de montée sur le... Une corde raide montée entre deux poutres du magasin et l'épicier donc monte dessus et fait la split. Il fait même la split sur le fil de fer. Tout à fait. Tout le monde applaudit. On est sur le lavabo sur le comptoir des viandes. C'est pas très propre. Non, c'est pas très hygiénique, effectivement. Donc, elle donne des échantillons de boissons ou peu importe qu'est-ce que c'est à quelqu'un en faisant des culbutes en lui donnant à l'envers avec la main en dessous de son corps. Ah, il jongle avec des poireaux. Oh, tout à fait, des poireaux. Des oranges ou autres agrumes quelconques. Sont plusieurs là, à jongler en même temps. On amène une table avec un buffet dessus et les gens peuvent manger plein d'affaires. Bon, rendu là, ça c'est tester les produits de métro, là, c'est super. Les gens évidemment prennent leur téléphone pour filmer tout ça, alors que pourtant le lendemain c'est sûrement disponible partout les vidéos. Mais bon. Tu sais, ouais, mais ils savent pas. Mais tu sais, ça va être une dégustation. Tu sais, tu prends le produit, tu vas le reporter plus loin. Ouais, c'est la même chose avec leur buffet. Là. Voilà. Donc, vous avez peut-être vu la version longue, courte. La version longue est sur assemblagerequis.com. Des fêtes remplies de surprises chez Métro. Voilà. Ce qui n'est pas une publicité pour Métro dans notre cas, quand même. Ensuite, c'est une nouvelle campagne pour l'anorexie. Une campagne annuelle de financement et de sensibilisation réalisée par Cossette Communication et déployée sous la signature « Les troubles alimentaires au-delà de la nourriture ». Une offensive qui a pour but d'inciter aux dons sur le site de l'organisme et de sensibiliser au fait que les troubles alimentaires vont au-delà de la nourriture. L'opération désire montrer que les troubles alimentaires sont des maladies mentales complexes et souvent incomprises qui touchent tout le monde et occasionnent de graves conséquences. L'initiative comprend 4 exécutions diffusées en publicité imprimée et en affichage. L'idée de remplacer la bouche de 4 personnages par la fente d'une tirelire. Donc leur bouche est vraiment une fente. C'est très perturbant, ouais. Soit dit en passant. L'inconfort créé par cette substitution fait réfléchir et rappelle qu'il est nécessaire de donner généreusement à la cause plutôt que de tenter d'aider par des moyens alimentaires. La diversité des portraits, donc on a une jeune femme, un jeune homme, une fillette et une dame plus âgée pour illustrer que tous peuvent souffrir, mm-hmm. même s'il n'y a pas de signes visibles. Évidemment, bon, j'imagine qu'il y a des études et des chiffres derrière tout ça, qu'il y a probablement moins d'hommes qui sont affectés par... cette problématique. Donc, il y en a juste une affiche sur les 3 qui est avec un homme. Le reste, c'est une fille d'âge, j'imagine, une jeune adulte et une personne âgée, plus âgée, en tout cas. Peut-être pas âgée. Je trouve pas qu'elle est âgée, mais comme plus âgée. Je te dirais dans la soixantaine, genre, là, facilement. Pas une personne âgée avancée. Mais c'est parce qu'on est habitué de voir des adolescentes, comme le stéréotype. C'est ça, c'est ça. Mais comme ça reste 3/4 féminin. Pour l'annonceur, Anorexie et Boulimie Québec. Par l'agence Cossette. Maintenant, tu connais les pizzas congelées Totino's? Totino's Pizza Rolls, un paquet d'autres affaires. C'est des petites pizzas super fast-food, vraiment congelées, pas très, très délicieuses. Donc, c'est au printemps dernier que le site BuzzFeed.com a posté une nouvelle. T'sais, eux, c'est des articles de listes aucunement pertinentes, là, encore moins pertinentes que son supermarais. Donc, une liste de 50 photos inexplicables, des stock photos, des photos libres de droit qu'on a sur Internet. Donc, c'était une liste de 50 de ces photos-là qui n'avaient pas rapport. Donc, une collection bizarre d'images qui faisait que tu te grattais à la tête en te posant des questions. Et bien, Totino's a vu ça comme un défi. OK. Donc, ils ont utilisé ces 50 photos-là de la liste de BuzzFeed pour créer des petites promotions pour les pizzas congelées Totino's. Okay. Donc, par exemple, il y avait une photo, mettons, j'imagine que c'était d'une fusée avec un cheval, cheval déguisé en genre de danseuse de baladie puis un astronaute, je sais pas trop quoi. Donc, ils ont remplacé la fusée par une pizza, une pointe de pizza. Ben oui. Évidemment. Ensuite, il y avait une fille qui se prenait la tête dans ses bras en ayant l'air super fâchée ou genre vouloir se boucher les oreilles. Donc, on a mis des hamburgers avec des ronds rouges avec une barre dedans pour montrer, genre, je veux pas d'hamburger parce que j'aime pas ça, je veux des Totino's, bien sûr. Hein? T'as un homme derrière son pick-up avec un chien à la place de la tête. Dans le fond, c'est un chien humain, si on veut. Donc, on lui a placé évidemment une pizza entre les mains comme s'ils jouaient de la guitare avec une pizza, etc. Donc c'est Totino's, ils ont rajouté des pizzas, que ce soit des petites bouchées de pizza ou des pointes de pizza congelées à chacune de ces photos-là bizarres trouvées par BuzzFeed. Mais c'est tellement bizarre. C'est n'importe quoi, mais c'est ce qu'on aime des fois. Ensuite... Oh, je me sens bizarre. On a changé des silos dans une ferme, des silos de 100 pieds de haut. C'est l'abat qui a changé ça en le plus grand six-pack du monde. OK. OK. Donc, c'est un ensemble de silos qui fait partie d'une ancienne opération de grains et autres trucs dans des champs, si on veut. Donc, c'est des anciens silos. On les a transformés en canettes de bière et on a dit que c'était le plus grand six-pack du monde. On ne sait pas vraiment si ce titre-là est officiel ou si les propriétaires vont essayer de rendre ça officiel en contactant Guinness parce qu'en fait, ce n'est pas de la bière qu'il y a dedans, c'est des silos de grains et présentement, il n'y a rien dedans. Ben, ça compte pas. Ça compte pas parce qu'il y a vraiment le plus gros six-pack de vraie bière et plutôt dans le Wisconsin, c'est des canettes de Old Style. C'est ça. Donc, et ceux-là ont vraiment de la bière à l'intérieur, donc ça compte. Ben oui. Les copropriétaires de Buffalo River Works prévoient utiliser ces silos-là pour une comment t'appelles ça? Brewery, déjà, je me rappelle jamais du nom, là, mais ceux qui fabriquent de la bière, une brasserie. Une brasserie, si on veut. Donc, ça va pas faire de la bière à la Labatt Blue ou n'importe quelle autre bière de la Labatt, en fait, mais ils vont juste utiliser ça comme connexe, de façon connexe à leur entreprise. Donc, pourquoi Labatt a rapport avec ça? Ben, c'est le revenu publicitaire que ça pourrait amener. On dit que l'argent pourrait aller à la construction de cette brasserie-là, de ce brasseur-là. Ça va coûter environ 750 000 $. Donc, on n'a pas encore dit si Labatt va vouloir payer pour créer cet hommage-là. Donc, c'est le propriétaire qui va transformer ça en canette de Labatt, mais pour l'instant, il n'y a pas encore de lien avec Labatt. On essaie de les avoir pour plus tard. Et tout ça peut être enlevé. C'est réversible. Donc, si jamais ça ne fonctionne pas, puis c'est un flop, puis qu'ils revendent ça, ou je ne sais pas trop quoi. Donc, si quelqu'un décide de ramener le silo à son look original, ce serait facile de le faire. Voilà. Ça, c'est les plus grosses canettes de bière de Labatt Blue. C'est effectivement assez énorme. Ouais. Et finalement, c'est Bibilio qui crée une bannière transportable pour illustrer l'espace intérieur de sa Mercedes E-Class Estate. Moi, en lisant le titre, je comprenais absolument pas ce que ça voulait dire jusqu'à temps que je regarde la petite vidéo qui est en bas de l'article. Donc, une annonce, une bannière, finalement, c'est jamais très populaire. Les gens n'aiment pas les bannières. Mais pour parler en bien de sa Mercedes E-Class Estate Station Wagon, c'est Bibilio en Belgique qui a créé ce qu'ils appellent une bannière transportable. Donc, ce que c'est que c'est une bannière qui s'affiche dans les bras, dans les mains de quelqu'un sur un site web. Donc, ici, on voit sur un site quelconque la bannière qui a l'air d'être prise entre deux mains. Donc, on voit que c'est une bannière qu'on peut prendre. Et après ça, ils amènent la bannière qui a l'air énorme dans ses bras et ils la mettent à l'arrière dans la valise de cette voiture-là, de cette station wagon-là, pour montrer sa dimension. Même si, dans le fond, une bannière n'a pas vraiment de taille dans la vraie vie. Une bannière dans la vie directe, c'est juste quelques centimètres de hauteur. Mais eux, pour montrer la relativité de la chose, en la prenant dans ses mains, tu vois que c'est une énorme pancarte et qui est capable de la mettre dans sa station wagon. Donc, une publicité de 728 par 90 pixels peut avoir l'air beaucoup plus grosse lorsque imprimée sur un gros carton épais. Donc, allez voir la vidéo de démonstration sur assemblagerequis.com. C'est original, je trouve. Oui. C'est beau. Effectivement. Ouais. Donc, voilà, c'est tout pour le bloc pub. Génial. On finit juste à temps, Steph. Cette chronique-là. Déjà? Non. J'avais pas vu l'heure passer. Tu refuses qu'on termine? Je refuse! Je te force à terminer ici, Steph. Merde, qu'est-ce que c'est ça? C'est tout parce que c'est la fin de l'émission. Oh! C'est tout! Oh non, un autre lundi! Mais on va être de retour demain entre 6h30 et 9h30 pour une nouvelle édition d'Assemblage requis. Soyez-y. Demain, on va être mardi. Donc, on va avoir... c'est Charles-Antoine Rioux qui va être là. Ah, super! Pour sa collègue du Club plein air et QTR. Deux semaines de suite. Après ça, on va reprendre le rythme. En fait, je pense que les fêtes s'en viennent. Fait que le rythme n'importe pas vraiment quand on y pense. Restez sur nos ondes. Le dîner de con va être là à 11h avec une nouvelle édition, bien sûr, comme à tous les jours du lundi au jeudi. Après ça, il y aura les coups des franches. L'émission sur l'actualité du campus et un paquet d'autres émissions, mais dans quelques instants, ce sera Génie en liberté avec Samuel Girard. Merci Stéphanie Paradis. Merci Mathieu Plante. Ça m'a fait plaisir. Merci aussi à Alexandra Carignan. Alexandra, David Ferron. Oui. Bien sûr, à vous d'avoir été là. Merci Mathieu Plante. Merci Steph encore. Merci à moi, merci à toi, merci à nous tous. On se quitte avec Lee Mannequin et Sucker Punch. Et on se retrouve demain. Bye. Bye.